Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr, le troisième épisode de cette rentrée de l'Asile, toujours diffusé le lundi soir à partir de 21h30 sur antenne du 94 MHz, également écoutable, entièrement podcastable à partir du site asile35.blogspot.fr ou aussi en streaming sur le mixcloud.com/redman. Alors on va démarrer avec, une fois n'est pas coutume, un peu de variété italienne et le combo Squadra Omega, quand vous êtes déjà pas mal passé ces derniers mois dans l'Asile le plus sûr, et pour cause, puisqu'ils avaient sorti une série de 4 disques. On vous avait passé notamment le LP Il Serpente nel Cielo, qui était sorti chez Holidays, c'était vers le mois de mars-avril. Ils ont également sorti une musique de film accompagnée d'un DVD sous le titre Lost Coast chez Boring Machines, ainsi que Machina Dici, le label qui a réédité les Noche Chimique, et un peu avant l'été, un double vinyle et CD publié conjointement par les bons soins de Sound of Cobra et Machina Dici sous le titre Altri Occhi Si Guardano. Toujours une musique assez psyché croate pour ce projet à géométrie variable, plutôt clavier, basse, sax en général et batterie, notamment Omega Frank, Omega G8 et Omega Matt pour ce Squadra Omega. Alors je ne sais pas si c'est un Squadra originaire de Milan ou de Rome, on va vous dire ça tout à l'heure. En tout cas on écoute un extrait de l'album Altri Occhi Si Guardano par le Squadra Omega. l'instant une séquence pour bien se mettre en jambes lors ce début de semaine dans l'Asile le plus sûr. On a démarré, une fois n'est pas coutume, donc avec un combo italien. Il faut que j'arrête de déjeuner le midi chez l'italien du coin. Là, il s'agissait de Squadra Omega, quand vous avez déjà pas mal passé au printemps dernier, à l'occasion de la sortie de trois opus. Notamment, on vous avait passé, comme je vous disais, le disque Il Serpente nel Cielo, qui était un disque beaucoup plus ambiante, un peu jazz atmosphérique. Celui-ci est nettement plus psyché croate. Ça fait penser un petit peu à du Cannes sur le retour, des choses comme ça. Ce double album Altri Occhi si Guardano. Et alors, je me suis renseigné pendant le morceau. Ils sont originaires de Vénétie, donc la région du nord-est de l'Italie, autour de Venise et du côté de la côte adriatique. Voilà, je ne sais pas exactement de quel bled ils sont. Alors apparemment, c'est plusieurs musiciens, un collectif un peu à géométrie variable qui existe depuis 4-5 ans et qui est un peu en sommeil depuis 2 ans, mais qui s'est pas mal remis à pied d'œuvre vu la production de cette année. On les avait pas mal passés à l'occasion un peu d'une sorte de fil rouge qu'on vous fait depuis 6 mois, 1 an, autour de cette scène qu'on appelle un peu psyché occulte italienne, avec des groupes qu'on vous passe assez régulièrement et notamment qu'on peut retrouver sur la compilation Nuestra Signora de la Tenebre, qui était sortie sur Backwards, notamment Héroïne in Tahiti et autres formations de cet acabit. Donc là, il s'agissait de Squadra Omega et ce très beau disque Altri Occhi si Guardano. Et on a continué avec presque un passo doble, ce titre de la formation Gili Gili Goulag, la bien nommée, trio assez atypique au niveau de l'instrumentation, harpe, basse et percussion, un combo franco-belge dans lequel on retrouve des membres de Duflan Duflan, une sorte de croisement entre l'étrangleuse et les Radical Satan pour le côté assez hanté de leur musique. Il s'agissait d'un mini-album qui est sorti, ça fait déjà un petit moment, c'était à la fin de l'année 2014, sous le titre Ibexib, sous des étiquettes Et mon cul c'est du tofu, Attila Tralala et autres Chip Satanisme. Mini-album, maxi 4 titres d'une vingtaine de minutes, qui donne plutôt envie d'un encore et peut-être un opus long à venir d'ici la fin de l'année ou début 2016 pour les Gili Gili Goulag. En tout cas, ce mini-album est entièrement écoutable gracieusement chez moncul.org. Voilà pour Ibexib et on va continuer là encore avec l'Italie et une formation cette fois originaire de Sardaigne qui répond au nom de OU. Il s'agit d'un sextet sardo-italien, OU qui veut dire œuf d'ailleurs en langage sarde, d'où le nom de leur album qui s'intitule Scrambled, qui veut dire brouillé. Voilà, donc tout ça est très très bien vu. Ça, c'était pour la séquence linguistique de l'Asile le plus sûr. Et il s'agit d'un album sur lequel on retrouve Ami Degno, qui est saxophoniste, accordéoniste, bassiste et aussi surtout chanteuse américaine originaire de Seattle, qu'on suit depuis pas mal d'années et dont on avait perdu la trace depuis un petit moment. On ne savait plus trop ce qu'elle fabriquait. C'est quelqu'un qui a commencé à la fin des années 80 et qui a joué à peu près avec tout le wouzou du Rock in Opposition et de l'improvisation libre. Les Fred Friss, Chris Cutler, également Curlew, la formation avec Tom Cora, Pauline Oliveros, les Shaking Ray Lewis et aussi au sein de son propre combo les Pale Nudes. Et donc Ami Degno se retrouve en compagnie de ces Italiens pour un disque qui est plutôt pas mal du tout, une sorte de mélange fromage de brebis, pain croustillant et texte d'origine incontrôlée, à l'image de ce Non se niente dall'avare, une sorte d'histoire de cigarette qu'on a du mal à arrêter vu qu'on boit beaucoup trop de cocktails ou quelque chose comme ça. Et juste pour vous signer que ce Scrambled est sorti conjointement sur le propre label d'Amidenio Spout Music, ainsi que le label américain qui sort beaucoup de choses dans le free rock et le free jazz public Eyesore. On écoute ce titre qui démarre cet album Scrambled par Amidenio et Où. C'était formidable, j'étais très chouette avec ma cigarette. Si ceci a vu, tout ne savais pas que ça te faisait mal. T'étais coquette, ta tête dans les étoiles, ta main est jaune, mais non, tu as arrêté. Goûte ma chérie, laisse ta cigarette. Mais c'est important de le voir quand je m'ennuie ou quand je bois beaucoup de coques. J'ai pas essayé, mais ce n'est pas facile. Qu'est-ce que je fais sans ma cigarette? Mais savais pas que ça t'a fait si mal. T'étais coquette, ta tête dans les étoiles. Ta main est jaune, mais non, tu as arrêté. Goûte-moi chérie, laisse ta cigarette. C'est facile. Pas facile. C'est facile. Mais ce n'est pas facile. Non c'è niente da lavare. Non c'è niente da lavare. Non c'è niente da lavare. Non c'è niente da lavare. Mais c'est important de le voir quand je m'ennuie ou quand je bois beaucoup de coques. J'ai essayé, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je fais sur ma cigarette? Non c'è niente da lavare, non c'è niente da lavare, non c'è niente da lavare, non c'è niente da lavare. Dans l'asile le plus sûr, une séquence très marquée par une sorte de post-prog, post-rocking opposition, un peu le genre de son de ce qui se jouait le week-end dernier du côté d'Albi pour le festival du même nom. On a démarré par la rencontre entre la chanteuse américaine Amy Degno et le sextet Who. Alors là, c'est un mélange un peu entre post-rocking opposition et jazz. Plutôt les colorations de ce sextet au nom imprononçable pour moi, ou en sarde. Voilà, et donc l'album qui est sorti conjointement sur le propre label de Amy Degno, Spout Music, et également en coproduction avec Public Eyesore Scrambled. Et c'est plutôt un album assez étonnant et assez agréable à écouter, très varié dans les ambiances, avec beaucoup d'arrangements et de choses assez surprenantes, comme le titre qu'on entendait qui était chanté ou psalmodié en français. Et c'était enchaîné avec une double compilation de free rock argentin sous le titre Salgan al Sol al Ventroc en la Argentina, sorti par le label péruvien BU, BUH Records. Voilà donc une compilation qui réunit 23 formations sur deux CD, compilées par Norberto Cambiasso, avec la collaboration assez justifiée de Alan Curtis, le guitariste de Traverse à Poncho. Donc apparemment un volume 1, il y aurait une deuxième compilation à paraître. Une anthologie plutôt centrée sur les formations de rock expérimental qui mélangent psychédélisme et new wave, post-punk et rock in opposition, cumbia et électronique, noise et musique de chambre en Argentine, et ce des groupes depuis la fin des années 90 et les années 2000. 23 formations totalement inconnues, à quelques une ou deux exceptions près, notamment le duo Noise Drone de Buenos Aires, Vluba, qu'on vous avait passé il y a au moins 5, 6 ans, 7 ans dans cette même émission à l'occasion d'un disque qu'ils avaient sorti sur le label Rural Faune, si mes souvenirs sont bons, et Factor Burzaco qu'on entendait à l'instant, projet de l'Argentin Abel Gilbert, très inspiré par la musique de King Crimson ou de Enrico par exemple. Voilà donc ce titre qui se retrouve d'ailleurs sur le dernier opus de cette formation Factor Burzaco, troisième disque publié en mois de juin de l'année dernière, et apparemment ils viennent aussi d'enregistrer, de mixer un tout nouvel album, c'est Factor Burzaco. Donc en tout cas une double anthologie et témoignage assez exceptionnel de la vitalité de cette scène totalement méconnue évidemment en Europe. Et on remercie ce label Bu Records péruvien, ce qui est assez étonnant. Il fallait que ce soit des Péruviens qui éditent la musique de ces Argentins. C'est dire la reconnaissance qu'ils ont dans leur pays, eux qui ont dû faire face un peu à tout ce qui a pu avoir de meilleur au niveau dictateur, et aussi avec une indifférence complète vis-à-vis de ce type de musique. Et le label Bu Records, pour m'être un petit peu penché sur la question, produit vraiment quantité de choses dans le domaine autant improvisé que électroacoustique, avec aussi des archives et des compositeurs électroacoustiques acoustique péruvien totalement inconnu, une production totalement incroyable de Luis Alvarado, fondateur de ce Bu Records. Je posterai évidemment les liens sur le site de l'asile, asile35.blogspot.fr. Et on va enchaîner avec une séquence, cette fois-ci, de musique électronique et le nouvel opus d'Anti Grail Ripati, alias, on l'appelle souvent sous l'acronyme AGF. C'était le nom qu'elle avait pris de scène à l'époque où elle était encore en Allemagne. Il s'agit d'un disque publié sur son propre label, le Poème Producer, un peu avant l'été, sous le titre A Deep Mysterious Tone. Troisième livraison de sa série consacrée à sa réinterprétation de la poésie mondiale, vue par le prisme de sa musique électronique expérimentale assez radicale. Alors, elle avait fait un premier opus autour de poèmes allemands en 2010, puis autour de la Finlande, son pays d'adoption depuis quelques années. C'était sorti en 2013 et elle s'est attelée cette fois-ci à la poésie japonaise avec des textes qui s'échelonnent entre l'an 800, le 12e siècle aussi de notre ère, jusqu'à la période la plus contemporaine, à partir de la fin du 19e, avec même des poètes encore en activité qui déclament leurs propres textes, des textes qu'elle interprète elle aussi aux côtés d'autres voix, et celle-ci japonaise, notamment Tujiko Noriko, l'électroacousticienne avec laquelle elle avait déjà collaboré. 15 textes et une manière assez étonnante de retraiter les voix dans une sorte de nouvelle poésie sonore avec des sons malaxés par l'électronique numérique et le glitch. Et on écoute une pièce où elle a samplé les voix du peuple indigène du nord du Japon, de l'île d'Hokkaido, les Zenu. Et elle a mixé ça avec sa voix et avec un traitement à la AGF. On écoute ce AGF Anvarius, A Deep Mysterious Tone. Aino dance. Aino rimes. Bakka to poro, pon, apto, rera, nish, rayochi, upasha, ni tai, mun, nonno, ape, ainu, rimse. Annyeong haseyo. Thank you. Le plus sûr, une triplette de titres électroacoustiques plutôt assez soniques pour tester vos systèmes son. Une triplette de titres, le tiercé dans le désordre, voilà, on va appeler ça comme ça. À l'instant, donc le fameux titre autour du peuple Ainu de AGF Anverius, extrait de ce Deep Mysterious Stone. C'est des sorties un peu avant l'été sur le label Poème Producer de l'électro nicienne basée en Finlande, d'origine allemande de AGF. Autour de l'ethnie des Ainu qui sont basés dans les îles Kuril du côté des îles de Sakhalin entre le nord du Japon et la péninsule est de la Russie, une peuplade plutôt totalement inconnue et en voie d'extinction. On n'arrive pas à recenser le nombre de Ainu encore vivants, sans doute moins de 200 000, donc un peuple de pêcheurs et aussi de chasseurs, totalement en marge de la civilisation japonaise. Et un disque donc d'AGF qui est plutôt consacré à la poésie japonaise, à sa sauce, donc reprise avec des séquences électroniques glitchées, des sons digitaux un peu dans tous les sens, et différentes personnes qui interprètent ses textes, sa propre voix, mais aussi différentes collaboratrices. Voilà, on a un disque de Jean Guérin qui vient tout juste d'être réédité sous le nom de Taquette, quatrième disque de la série de réédition des albums cultes du label Futura de Gérard Théronès, le fameux label qui est un peu historique du free jazz et des free music en France du début des années 70. Réédition sous étiquette et par la boutique parisienne Le Souffle Continu. Certainement l'un des disques les plus surprenants de cette époque déjà haute en couleur. Jean Guérin, qui était percussionniste plutôt free, notamment au sein de la formation Ergo Sum, dans laquelle s'est illustré le guitariste Marc Perru ou encore Jean Mitruong, et qui a produit donc ce disque d'électroacoustique entre Faust et Pierre-Henri, pour faire très très simple, dans lequel on retrouve pas mal de personnalités du jazz français de l'époque, notamment Bev Vittet à la trompette, pour lequel Le Souffle Continu vient également de rééditer son disque de la même époque, La Guêpe. Il y a aussi Françoise Achard à la voix, qu'on retrouvait sur les disques de Jacques Bérocal dans les années 70, et Philippe Maté au saxophone. Apparemment, ce taquette, qui est une musique qui servait à illustrer le film Bof, Anatomie d'un livreur, de 1971, le premier film de Claude Faraldo, apparemment un plaidoyer pour le droit à la paresse, qui avait été salué par Jacques Prévert à cette époque, très très anarchisant, ce film Bof de Claude Faraldo, qu'on connaît surtout pour son fameux film contestataire de 1973, avec tout le gratin du Café de la Poste, le fameux film Thème Rock. Voilà donc, c'était la musique qui illustrait son premier film Anatomie d'un livreur, que je n'ai pas vu, mais c'est vrai que c'est assez tentant de fouiller, voir si c'est pas disponible et réédité en DVD, ce film. En tout cas, la musique est totalement incroyable, et c'est complètement différent de ce que produisait aussi le GG Terrones à cette même époque, qui était plutôt des enregistrements enregistrés en quelques heures dans une après-midi, une demi-journée de studio par les musiciens américains ou européens qui l'enregistraient et qui continuent d'enregistrer d'ailleurs. Là, il s'agissait d'un disque qui a pris des mois pour être réalisé, avec quantité d'heures de studio et de mixage. Un disque totalement surprenant, et on a écouté enchaîner une nouveauté, et le duo new-yorkais White Out, dans lequel on retrouve duo mixte Lynn Culberst, qui est à l'électronique, et Tom Surgal, qui est à la batterie, qui collabore un peu avec tout ce qui bouge dans le domaine des musiques free rock et free noise à New York. Il a fait partie aussi du combo du saxophoniste Arthur Doyle. Whiteout, qui est un groupe qui existe depuis la fin des années 90, avec un certain nombre de disques sortis notamment sur Ecstatic Peace, le label de Thurston Moore, encore sur le label ATP, et qui collabore souvent aux côtés d'autres musiciens. Il y a souvent des invités à leur côté, très régulièrement le guitariste Jim O'Rourke ou encore Thurston Moore, le batteur William Winant aussi, qui a croisé le fer en leur compagnie, Carlos Giffoni ou aussi Spencer Ye, pour les gens un peu du noise et musique impro de traverse. Bref, tout le gratin des musiques free aux États-Unis. Ils vont sortir un nouveau disque en compagnie du guitariste de Los Angeles, Nels Klein, sous le titre Accidental Sky, vinyle et CD, qui sortira mi-octobre. Ce sera sur étiquette Northern Spy, donc on aura l'occasion de vous en repasser peut-être des bouts. L'album est vraiment excellent du bout en bout, ce Accidental Sky par Whiteout en compagnie de Nels Klein. Et on va continuer d'ailleurs avec une séquence un peu dans le même registre. Il s'agit de la rencontre entre un jeune duo danois guitare-batterie, Björg Ebol et Jacob Torkild, qui croisent le fer avec le colosse de Wuppertal, le saxophoniste Peter Brotzmann. Alors, les deux Danois, qui sont des musiciens assez coutumiers des rencontres improvisées aux côtés de gens de la free music européenne, même s'ils sont assez peu connus dans nos contrées. C'est vrai que je les avais pas du tout rencontré avant cet opus, sous le nom de Boda Boda Duo et Peter Brotzmann, l'album Moderne Persuasion. C'est sorti sur le label danois, un label dont il doit s'occuper, j'imagine, Tirfing, à la fin du mois de juin. Pochette très très minimale, noire et blanche, pour ce Boda Boda Duo et Peter Brotzmann. Donc deux pièces de 20 minutes. Je propose d'écouter un bout de la face A de ce Boda Boda Duo et Peter Brotzmann. Thank you. Le problème avec ce genre de disque, c'est que ça enchaîne climax sur climax. Ça fait toujours du bien de se faire engueuler par Papy Brotzmann. On entendait le Boda Boda duo et toute sa quincaillerie, le genre de formation qu'il faut inviter au Transmusical en compagnie de l'affreux Peter Brotzmann qu'on avait quitté avec un solo où il reprenait Lonely Woman de manière très lyrique pour un disque Cubus au mois de juillet, et on le retrouve en compagnie de jeunes musiciens à s'époumoner comme en son habitude. On écoutait le disque Moderne Persuasion sorti sur Tearfing Records, très très beau disque donc qui continue de défiler, et deux pièces de 20 minutes. Alors vraiment au cordeau pour cette rencontre entre Peter Brotzmann et Boda Boda duo qui avait sorti un premier disque en 2012, également sur la même étiquette de Copenhague, Tearfing Records, sur lesquels on les retrouvait en compagnie du violoncelliste électrique Frédéric Longberholm, alias Fred Longberholm. Et figurez-vous que c'est lui qu'on va retrouver tout de suite, comme quoi l'émission est vraiment très très bien préparée au sein d'un trio sous le nom de Styrup, que j'ai découvert à l'occasion de ce disque A Man Can't Ride on One, sorti au mois de juillet sur le label Whistler. C'est une formation sur laquelle on le retrouve aux côtés d'une section rythmique assez peu connue. Charles Runback est à la batterie et Nick McCree à la contrebasse, qui joue souvent aussi dans les projets de Kent van der Mark, notamment Audio One ou encore The Margots. Second album, ils en avaient sorti un premier en 2013. Ce trio donc créé à Chicago en 2009, et là il s'agit d'un enregistrement lors d'une résidence au fameux club et galerie de Chicago, The Whistler, qui sort aussi cet enregistrement, qui publie régulièrement des albums, et c'est vraiment brillantissime ce A Man Can't Ride on One. Je propose d'écouter le titre de cette formation Styrup avec deux R, le morceau The Profit of Field Stripping. We'll be right back. Une séquence dans le pur style du jazz de Chicago pour terminer le décrassage en règle de l'Asile le plus sûr qui a démarré avec le combo Styrup et l'album A Man Can't Ride on One sur lequel on retrouve donc l'excellent violoncelliste électrique Fred Longberholm et c'était enchaîné avec la musique d'un nouveau venu. Il s'agit du saxophoniste Nick Mazzarella dans un trio sur lequel on le retrouve aux côtés de la section rythmique, Anton Atwich et Frank Rosali qui étaient à la batterie. Donc troisième disque pour ce trio du saxophoniste qui joue notamment aux côtés de Ken Vandermark dans Audio One ainsi que dans les projets de Dave Rampis, notamment le Chicago Reed Quartet qu'on vous avait proposé dans l'Asile le plus sûr il y a de ça quelques mois, un peu avant la coupure estivale. Et il s'agissait de l'album Ultraviolette qui vient tout juste de sortir sur l'excellent label International Anthem qui est une nouvelle étiquette qui monte et qui va sortir d'ailleurs aussi au mois d'octobre le nouveau disque de Ale Chatistas qu'on proposera certainement au mois d'octobre toujours dans l'Asile le plus sûr. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette playlist et des podcasts à partir du site asile35.blogspot.com. Je vous rappelle aussi ce week-end, si vous êtes à Rennes, le marché noir qui se termine par une grande fête au Jardin Moderne avec en début de soirée un vernissage de l'exposition autour de la viande qui sera inaugurée par la Société des Timides à la Parade des Oiseaux en concert gratuit. Ce sera à partir de 20h, donc ce samedi 26 septembre, et ça enchaîne après avec une proposition musique alambic pour 6 euros dans laquelle vous pourrez retrouver notamment les Rennais de Hemshom Palmtay ainsi que Greg Aldur et le retour de The Patriotic Sunday, le projet de monsieur Eric Pasquereau qui est le chanteur de Papier Tigre dans cette formation. On retrouve aussi des membres de La Terre Tremble. Et ils interpréteront leur tout nouvel album qui sort ce mois-ci sur Muraille Musique sous le titre All I Can't Forget. Donc ce sera ce 26 septembre. L'album viendra juste de sortir au Jardin Moderne ce samedi soir. Et on se quitte avec une dernière séquence de jazz et William Parker et un très beau coffret triple CD publié par la marque Home Fidelity. Sous le titre For Those Who Are Still, un disque sur lequel on retrouve différentes pièces plutôt dans un registre contemporain de William Parker. Enfin, il y a beaucoup de formations sur ces trois CD très très longs chargés à ras-bord, des formations assez classiques jazz avec chanteurs et aussi des titres d'inspiration indienne sur le deuxième disque avec du chant classique d'Inde du Nord par une disciple du gourou Pandit Chinmoy ainsi que le chanteur d'origine sénégalaise Mola Sidia. Sur le troisième disque, c'est plutôt du classique néo-contemporain, donc des pièces de commande qui ont été réunies sur ce coffret For Those Who Are Still. Et je propose une pièce qui est un hommage à Fannie Lou Hamer, activiste des droits civiques aux États-Unis. Une pièce en tintette enregistrée à New York en concert, une pièce qui dure pas loin d'une vingtaine de minutes dont on écoutera évidemment 28 minutes au total, dont on n'écoutera que le démarrage. Et c'est vraiment magnifique ce disque et ce coffret For Those Who Are Still du contrebassiste new-yorkais William Parker. Je vous souhaite une très très bonne nuit, une très belle semaine également. À bientôt.